c'est l'heure de Silo Hind à Brezhoneck. C'est l'heure de retrouver Hind à Brezhoneck. Bonjour, c'est Anne-Henri sur RKB pour Hind à Brezhoneck. Alors, Henri, on commence par Gary Warvue. Oui, alors donc, aujourd'hui, c'est l'émission 336, Trihandwer à Tregon. Et on va parler d'un mot qui est un vieux mot, en fait, mais que beaucoup considèrent un peu comme un néologisme, puisqu'on n'entendait pas beaucoup avant, qui était plutôt un mot religieux, comme souvent les mots intellectuels, c'est « ménose ». Ménose, donc, qui veut dire « idée ». Et « ménose » ou « les idées ». Alors, c'est un mot masculin, donc avec un pluriel, comme je le disais, « ménosiu », et qui est bâti sur une très vieille racine, « men », qui désigne en fait l'intention, le projet au sens très large. Alors, dans le mot « ménos », ça traduit une idée, enfin le mot « idée » en français, mais c'est aussi un projet. C'est-à-dire que, alors il y a un autre mot hein, pour « projet » qui est « raktres », hein. Mais actrice qu'on entend plus souvent d'ailleurs. Oui, on entend souvent pour dire un projet. C'est vraiment quelque chose qu'on va faire dans l'avenir. Mais le ménose dans l'idée, il y a toujours l'idée de projet. C'est-à-dire que le breton, c'est pas une idée en vain. Hein, c'est une idée qui doit se traduire par une action en fait. Hein, voilà. Donc alors cette racine men hein, qu'on la trouve dans les autres langues celtiques. Hein, en gallois, par exemple, exactement la même, hein, sauf que c'est écrit avec un Y, mais... Et « men » en breton, tu l'écris « me2n » Me2n, oui. Et donc, on la trouve également en gaélique d'Écosse et d'Irlande, hein, sous une forme un peu différente, « mian hein, ». Et ça a donné un mot qui était souvent utilisé, qu'on trouve par exemple dans les cantiques, qui est « menat », qui est le « vœu », en fait. Le vœu, c'est-à-dire, c'est à la fois ce que nous on veut et ce qu'on demande, donc à, par exemple, au saint protecteur. Hein, on trouve ça souvent dans les cantiques. T'as pas une petite illustration sonore, Henri? Je suis en train de penser, ouais, dans quel cantique on trouvait ça, mais ça me vient pas tout de suite. Donc on trouvait ça, Rootin me menat, hein, donnez-moi mon vœu en fait, c'est-à-dire donnez-moi ce que je désire, hein, ou donnez-leur ce qu'ils désirent. Voilà. Alors, peut-être qu'une fois, on pourra chanter quelque chose là-dessus. Donc, ménose au sens d'idée. Alors, à partir de ménose, donc, il y a pas mal de mots qui ont été bâtis. Hein. Par exemple, ménosiat, hein, qui est, alors, toujours pareil, le contenu, hein, ménosiat, c'est un ensemble d'idées. Hein. Voilà, ou un système d'idées. Et ménosiadur, alors, ménosiadur, c'est un mot masculin qui veut dire, qui là est un néologisme, hein, qui veut dire une idéologie. Et Ménosiader, hein, c'est l'idéologue, c'est-à-dire le créateur d'idéologie. Karl Marx, par exemple, hein, Ménosiader, voilà. Un mot très souvent utilisé. Oui, c'est-à-dire que quand on les allonge trop, à la fin, ça fait... Moi, j'aime pas trop les mots très longs, je préfère tourner autrement. Hein. Ouais. Par exemple, on pourrait dire « crouer Ménosio », un créateur d'idées. Hein. Ça serait... plus dans le génie de la langue, en fait. Hein. Alors, Drukvenos, hein, par exemple, Drukvenos qui est la malédiction, hein. Comme le chef des Templiers qui sur son bûcher, avait lancé la malédiction des rois de France. Hein. Parce que voilà. Druk, c'est mauvais, c'est ça? Druk, c'est, oui, Druk, c'est mauvais, et quand on le met en préfixe, ça veut, c'est toujours, voilà, là, c'est la malédiction, hein. Drukvenos, ou à Teuledoir, hein, ou à Roué, ou à Rance. Voilà. Alors dans la langue plus populaire, on traduit souvent idée, c'est souvent songe. Hein. Alors ici on prononce presque j, hein, jonche. Hein. Et dans cette mesonche, par exemple, ou presque un z, c'est il y a pas une correspondance totale des lettres. Hein. Handelard mesonche, je vais donner mon avis. Hein, voilà, par exemple. Au pluriel, songeou, hein, du latin. Alors, c'est un mot qu'on a emprunté au français, qui vient du latin somnium, hein, comme somnifère, parce que, en fait, dans le songe, il y avait une correspondance entre le songe et le rêve. Hein. Et en vieux français, le songe, hein, on trouve ça par exemple dans les écrits religieux. Par exemple, la femme de Ponce Pilate avait vu en songe hein, des choses qui lui faisaient demander l'acquittement de Jésus. Hein. Donc on trouve souvent ça hein, dans un songe, hein, le songe d'une nuit d'été, etc. Mm-hmm. Bon, c'est à la fois, c'est proche du rêve en fait. Hein. Voilà. Alors, donc, mesonjou, hein, mes idées aussi. Me menosiou, mesonjou, hein. Voilà. Et il y a un autre mot qui est zonjaden, hein, qui est une idée qui survient comme ça, hein, inopinément, enfin, un éclair, zonjaden mesbin, hein. Il y a une idée qui m'est venue comme ça. Alors, on dit souvent ça, hein. Alors, bien sûr, là aussi, on a construit des mots, hein, zonjadurus, par exemple, la méditation, et puis, bien sûr, le verbe songal, hein, qui est penser, hein, penser, réfléchir, et décider, finalement, aussi, hein, hein, zonjalran de penser, j'ai l'intention de faire cela, par exemple, hein. Zonjon de penser, hein, je suis en état de penser que je vais faire quelque chose, hein, c'est zonjon, me zonge, donc, mon avis. Et alors, et le mot songe a aussi le sens de souvenir. Hein. Par exemple, il y a l'opération Klaskerien et Treiserien Zonjou hein, dans le Finistère, là, donc les enfants qui vont voir des personnes plus âgées pour recueillir des souvenirs. Zonjou, hein, c'est aussi les souvenirs. Hein. Zonge peus. Hein, mm. hein, il y a une chanson, il y a eu même plusieurs chansons écrites sur le thème d'Ars Zonge. Hein. Souvenez-vous. Hein. Voilà. Alors il y a aussi songeart qui est mélancolique, hein. Songeart, quelqu'un qui est mélancolique. Alors bien sûr songeur hein, ou songeur, le penseur, hein, par exemple le penseur de Rodin par exemple, hein, que tout le monde connaît, hein, voilà. Et songeur, ce qui serait la cogitation, hein, cogiter. Hein, d'ailleurs on l'emploie encore en français aussi de temps en temps, un peu pour rire. Hein. Descartes disait hein, cogito ergo sum, hein, je pense donc je suis, hein, voilà. Alors disonge, c'est si c'est un adjectif qui veut dire à la fois quelqu'un de distrait, hein, hein, disonge à l'oublier, hein, et disonge c'est quelqu'un de distrait, ou alors c'est quelque chose qui survient de façon inopinée, hein, un draseso digued disonge, on s'en attendait pas à ça et puis c'est arrivé comme ça. Disons juste, c'est quelqu'un de rêveur, de distrait, hein, c'est un adjectif. Raxonjal, c'est anticipé, c'est-à-dire, quand on met rac devant, ça veut dire avant, hein, peut-être qu'on parlera de ça un jour. Voilà. Donc, beaucoup de mots autour des idées, hein, ménos, songe. Et puis, il y a aussi prédeur, mais ça, on en a déjà parlé, hein, alors là, c'est la philosophie, hein, on a déjà eu l'occasion de parler de ce mot-là, quoi. Voilà, voilà, vite brossé un petit vocabulaire des idées. Bon, deuxième partie d'émission, Brezhonek temps m'attend. Brezhonek temps m'attend, c'est la deuxième partie de l'émission. On va parler de quoi aujourd'hui, Henri ? Alors aujourd'hui, donc, Chornik est allé voir André Gack, qui est le président des boulistes, à la fois de Zantolog et des Poudériens, puisque ils ont fait un club ensemble, ARP. Voilà, voilà, un club intercommunal. Voilà. Alors on les écoute. On les écoute. Salut André, Manon Trau Gandar ? Ya, Matri Chornik à Gandar. Matrié, mais la Redinta, oui, président d'un vouliste. Ja, Chornik, président d'un strolat Berter Boulo, Zarvet Gantut de Zantolok, à de Spluderien, Dogze Glasso, vraiment. En nom, mon ba Boulodrom Zantolok. Ja, Chornik, Pemplasso et Betzarvet, Tudzo Elar et Ilizor Boulo, met Guiré et Or Boulodrom Ker. Agaliès, Verroiriet Boulo, ama. Oh, ja, BMDP Veclou Arwar en Amzer. Plusieurs adorés gosses au bord au parti, mais le vieux jour vêtu de Johan, a dit vieux jour mise avec Red Scholar Boulot.

de Diantan et veulent juste Gandelor Bourdouar. Tramenede déjà, mis Yenver, n'est que Bépel. Aguerrion vraiment, ma mis Hoere. Hoere bien, veulent Vigelard Gwegel. Ag Beta vraiment, et B12 en Amzer, mais Vigel ou PV, B12 en Amzer, ve Yin, ma mis Hoere. A ma 13 en Vaux, Gualet Vaux, Pessamo de Vaux Conde. Ag Blanc me mestra, plusieurs l'art, et Hoere bien, mais me mestra, Blanc me vaut Hiro en Tom, plusieurs ont D Spen. Agaré zo gant de no warnug en deus mis huere, halo kado de a bla bla man. An a oran an den deus purut, hein, hag zo chom bremañ ba San Nicolas, hag zo gant de un des, hein, un no warnug en deus mis huere, hag la ran dan de a bla lo en rog, hein, ma gle a hanon, hein, de a bla dar Jean-Yves. Bon, Hendel beta vraiment vel meuslar et doit chom de clou à roi un amzer. Pes n'est que d'un drava vit tout d'un dud d'ascouir vit de brodueur et un fruits à légumage. Plus dur, fruits à gel légumage, y a rivounis, hein. Ag, vit, chomant que de rotas vit bougouer, c'est, hein. Vel vain sens, hein. C'est tu, vit calze dud, n'est que d'un drava. Mais ma treizaine m'a t'a fait yin, on tombe à mis rouir, avait fait bête d'un drogue, voilà. Alors, végement, végel, moi, comme je tarde de ce mara de mort, à moi l'art de, et moi d'oir, trop, on est marazé, puis guy reprise, ou à gouela, reblamant, vide d'oir l'année, gouscoudé, vide un tir, là, en mort, puis, n'abattoir, y'a, on m'a peu soin, un trop, je n'ai que gualvat, puis dur, PVUL, prise, porl, ve diez, guerzo, hid, tior, à cette, ve colder, en ganté, reblamant. Ag, on ne petit zlar en mort, zo, bah, vro, hein. En, plusieurs auraient, zo bras traits, hein. L'homme velerait, hopper, la map soin, hein, avait l'art de, ou que pays de millions de morts, bépla, hein, grande rise, hein. Ag, wardro, hugen mille du de zo, hein, au labourat, ben tirs, hein. À ce tu bonne, quelle de vaut, mais clair en l'art, d'ester de jeu, grande tir l'art en mort, blanc, hein. Ne ce que gual belzo ou abé de, zo bé de, grède au sort reina ma peu soin de ze goué, ag, de ze goué dispar, braise. Ag, zo goué gaden tom lever, hein, vide reina blin jusement de goué, zo dispar, braise, les arbres remarquables de Bretagne. Ag, vel jus, ve comme ze, de ze veine, zo babulade, hein. Vender batron joli, hein. Bébus gwell nan zio war. Ya. Hag, hein, zo bru de tre. Hag, comme ze zo, ivé de ze gwe ivin zo ba ver de kos kier gris mwelou. Hag, onan zo ba, direk nilis ba panri de bes kon eus, zo comme ze de sang. Gwe ivin zo roas ba mousteru, zo comme ze de se. Hag, hendel, zo, urven, zo ba, ven buns, benefine, bonne heure buns, rack d'or ven, mais, onan, zo memestra, zo dispar, ba plus grande vin. Hag, do, ba plus grande vin, roi, zo ven gistin, hag, zo dispar, zo bay lac de bars, bon, well, red, zo calz, calz, goué, zo, bouez, hein, en mon ebreiz. Bon, dans vraiment, war, tache en un andro, ne ce que gual belzo, wabé de Igor, de war un ton de bras, graisen trédan, gander ze gnol, hag zezo velard, war photovoltaïque, bénéfine, mais de bonne, blanc velan noir, photovoltaïque, n'a que gual vod, hein, hag ne war an que pesamo de vos con, ma vouder a d'obor, graisen au trédan de 10 secondes photovoltaïque. Vitchon montam, war dash en un endro, vejenam zo regontandar de ze hamelia. Hag evel just, hamelia, zo, neked o ven de ze vro, hamelia, med, de ze bro Asie pe velard, de ze bro Japon, de ze bro Chine. Hag gouskoud e do han lasso ve digas camelia ou ebreiz, de diantan wa be digas camelia ou babro naunet, a oa l'air, n'eo n'on l'aide d'on tam pe bler breiz, pe dur blichte breiz, hein, plijor ade en dou ar trenk, a plijor ade en amzor douz. A setu ve kav et kalz gamelia yo breiz. hag gweler an brommen e hana an mad, hein, ur hamelia, blammeum eus gweler doa. Ba kalz ur barouge ou vereid o hamelia d'or vugal e gane de blaroc, hag vel ame ba pure de el ou a reid tri gamelia de bugal e zo gane de blammeum pus o betri, ba barouz. Hag zo roed gamelia de. Hag an den zo an par tri war a hamelia e fange moal, zo hana ve mad ba vro, hag hez fanche moal neus deja neus dastume kalz wenu bani liors hag neus pez neus gred un tuel de ze e krou in kamelia yo dre et nad ma peswant pior vid a hamelia e red kard un tad hag an vam hag vel vid tout un dud tout un lond tout un planté nou benefin a neus krou et kamelia yo hein. A mam zo nan a neus nan fanche moal hag bremañ zo krou e donel hag hamelia hag zo domen de la roche jagu hag hamelia zo bet krou e ganfan che moal perze glaso ka evel just o vej krou et verret zel at pesa mod mata bra un trou grand tan mata bleu new mod ma neus ket klev jou bon a setu bremañ neus bet nanje domen de la roche jagu hag Hudu, hein, puis durant des tiens de temps de misouir, hudu vaut, grédor, vadeyan, bah, rohugu. Sais-tu? Bonne chambre, mon temps, war dash un andro. Ne ce que Gualbelzo, abedimbande, hein, au lever scrive de Jean-Claude Pierre. Jean-Claude Pierre, ne zone des nazo hanov tri, hein, puis durant ne se bête labour de vide d'our, hein, une, et nous adon, mesquerine ou crou de strolade haut et rivière. Hag, ne scrive de lever l'appel de Gaïa. Gaïa est haun orbe de Grécian, hein. Fait, zévecan, bah, grois, ou croise, oui, j'ai l'homme, ça. Gaïa, PG, hein. Hag, un lever, Jean-Claude Pierre, neus gret deus gaia o sort vam goz o komz di bugale pe la rin bat hag e bugale evel just e un dud hein, evel dom tout bon ba kreizer mis huere pudur zezo d'un triver ad nantege de vis huere vo pez diskweza de gaunet ba ker goz ba gwen gam hag aze vo gwel de bep sort de la pousse de koulmet houdi gir bep sort a même ce qu'on eut fait. On eut fait n'est que de, une, la pousse, de bien fine, mais, là, que vingt, bah, même sort, puis on regrette, aviculture, de tous un trous. À vos corps, calz, wenu, à, calz, liou, londe, d'un, à, zézo, bras de velte. Dans bon temps, vraiment, war, zévena, dur, hein. Bah, calz, département, chou, zo, béro, don, nan, d'un, du, de zo, et nan, chom. Da square avec comme de ce Finistérian de ce Morbihanet de ce Costarmorican Costarmorican je fais tu soir hag vi département il et Guilen benefine au haun de bit a c'est tu mon classe con nom bon bref ya dès que bras or nom gangé hein il est vilénien peu hag benefin zo bet kinig de brésilien, brésilois, vilénien, galoïlien, bon. Hag bromen mezan vo gred vo goulet o ali gant internet un dut, hag bo vo gwelet matrez en vo grad o nan benek hag ne vo ke rediez me mestra de zougen. Evel just, bon, plusieurs galag vilaine, hein, zira un nom d'esprit, zuz un tombe, quoi. M'avait là que de les vilains, pis les vilainiens, pis, cal, j'ai dû te gaffer, zi, on dra ville. Hag, bon, goulet de oali, on dra, me scove de, bon, zi, ve gred alis, vraiment, ve goulet de oali, gant un dû dans nos internet, dans la radio, un internaute, peso dipit du zone temps vi rien que l'internet puis tu bien les fines rien que l'internet avec goul monde bégantetine à ma 13 ben ne pas blay au homme j'y vois vos grade votre adego à internet dis rien que l'internet dans l'onde que votre tine assez du roi un tosmat de spv l'aine de grand George Orwell bah il est vers l'air avec comme de Big Brother en temps hein J'y oise ma trezen, n'ayo que j'ai même ça. Bon. Vejou, ve, peve mar et or votadeg ou ve comze de zeur Jésus guasket et ve leur braise en eux. Das queer en DL ou abet fanch Hollande, ba Brest. Hag un eus lar en den dud, puis roise ou abam i sienver, blaves mat. Un eus lar ze in braise en eux, distorgen ma war, belefin. Bon, j'y oise waler en eus que comze tombe de zeur braise en eux, na de zevena dur braise. Ou an ke pesa mod vo kon, benefin. Mais bon, on t'en met bon, de zlardzi, hein, ma trezen, votre, au vich penek, hei gwella rentra au vide brezon, gwella de vous. Bon, wardachen, brezon, vichon, on t'en wardachen en brezon, un diel barroison, ou abéro, et leur prix, j'ai offert tri, et vel bépla, d'asquir, leur prix, au béro, et leur strola de babig ou breis, hein, puis ne skred au, un petit poupigou bagouenet, l'air vait disque de braison de contemple d'or vu gralé. Au prisel, zoet, quand, quand tiers carès, hein, plus dur, bah carès, vegrette, blanc, plus dur, blanc, vegrette, bah calze, bah rouge, rien à deux en dupe, pénivérade, garbo blanc, un recensement, un peu soin. À gazé, bah carès, vos rénables d'un dupe de war braison de tempé d'homme, ré, gomes braison de gré, gompren braison de gré, au cap de scrive, ou de laine, mahat, bon. Hag eus ket ober nivera adeg ar boblan se vo gret ze, hag eus se vo gwar adon tamm mur piou eus o kap de gomz brezon eus pe ba, ba karez. Hag ur prizel zo bet roa dive de Yann Biger an eus krive de lever tori ben, di war ben istor bonet o ru. Ha kal ze prizo, enfin o nebe prizo el zo, hein, ras bon, hag eus mordi rei an tamm priz vidore zikour ar brezon eus. Hendel, ya, bavro, kreisen ze venadur el gwengam, en eus diloj, en eus ke gwal belzo, deus blasen verdin, ba blasen verdin, oa, doula doug en zo, peut-il oa bet staliet ba, ba kaserne bonperien, gwej, kos, hein, hag a manchon me dar a part pel, a bromen, e et ba, war, mezerou e velard, chan pour oa, ma person, hag a ze bon zo, au vos moyens d'or mûr drôle, hein, plus dur, et les dents d'or blassen, ag, moderne, or ma peçon, mode neve, ag azé zo, bonne, kivrilig et joël, zo, bah, mames tachen, vel digo, skol nanternon, zo, a war dro, kentelio brezon, nog, a troel, falsap, ra war dro, gour, nag, war you hendel, mignon de glad gwengam, ur strolat Gwengam Shannon, hein, puis dur e gevelet de Gwengam gant Shannon, hag ma trezen peus beklev d'ur president Geek RRV, komz de se, un DL, ba an abad un tit de zorvro, an eus displeg pe sa mod vo kont bremañ gant l'er neve. O lever war istor breiz ezo bet skrive neus ke gwal belzo gant un istor ur zo ran mad, hein, Jean-Jacques Monnier, hag o lever gant Peter Bladen, hein, hag zo beten de Pemil Square an de ze levers, a di se ve moyen de petramant de len istor breiz, petramant de Shilo, ur bladen, hein, ur bladen ou pidur an zo spen o nant, hag bon mi gaftin e mod, dis ki on tamb istor ur vro de, d'un dut. Bon, kal ze drau efe bet de la roaz, me red e leusken on tamb vid ur vej de zon, setu e la randar kenavo, Shiloer en RKB, tien ur vejel. Kenavo, Eric.